Chapitre 22e. Marianne reprit bientôt le dessus. Qu'étaient les vertus d'Antonine endormies sous son bloc de granit en présence des grâces sans cesse renaissantes de cet être vivant et plein de charme? C'est qu'elle était prise pour tout de bon. Son cœur léger et frivole avait de bons côtés. C'est par la compassion que Dournoff y était entré. Il s'y était maintenu par l'orgueil et le dépit. Désormais, elle ne voulait et ne pouvait aimer que Dournoff. Elle le disait sincèrement, de toute son âme, et c'était la vérité. Animée de ce beau feu, elle alla un jour trouver le ministre dans son cabinet. « Père, lui dit-elle, en poussant sans cérémonie une foule de paperasses encombrantes, quel est le premier de nos jeunes présidents ? Comment le premier ? Demanda le père étonné. « Mais oui, le plus intelligent, celui qui a le plus d'avenir. Enfin, papa, quand vous serez ennuyé d'être ministre, qu'est-ce qui vous remplacera ?» Un peu surpris de tant de prévisions, le bon père chercha dans son esprit. « Je crois bien, dit-il, si les apparences ne sont pas menteuses et si les circonstances ne changent pas du tout au tout, que mon successeur sera Dournoff. »« Eh bien, papa, fit Marianne triomphante, je veux épouser Dournoff. » Le ministre fit faire un demi-tour à son fauteuil et regarda sa fille d'un air consterné. « Toi, Dournoff, et pourquoi ? Quelle est cette nouvelle fantaisie ? J'épouserai Dournoff, papa, ou j'en mourrai de chagrin. Ainsi, faites comme vous voudrez. » Fort bouleversé, M. Meroff sortit de son cabinet et emmena sa fille auprès de sa femme, que cette abrupte déclaration surprit moins que lui. « Cela ne m'étonne pas, dit-elle. J'ai toujours pensé que Marianne ne se marierait pas comme les autres. Mais enfin, s'écria M. Meroff, Dournoff n'est qu'un simple président, mais papa. Ne m'avez-vous pas dit qu'il serait ministre après ? Comme cela, je n'aurais pas besoin de quitter le ministère. Je ne veux pas. » fit M. Meroff exaspéré. « Comme vous voudrez, papa, » répliqua l'indomptable Marianne en baissant la tête avec un air de feinte résignation. Les parents de Mademoiselle Karsoff ont ainsi cause de la mort de leur fille. Mon destin sera le même. « Et qu'est-ce que, Mademoiselle Karsoff ?» demanda M. Meroff abasourdi. Avec une grande éloquence, ponctuée d'allusions plus que transparentes, Marianne raconta l'histoire d'Antonine. « Eh bien, dit-elle, il sera de la destinée de Dournoff de ne pouvoir épouser les femmes qu'il aime. Ses fiancées doivent toutes mourir par la faute de leurs parents cruels. Mais t'aime-t-il seulement ? Demanda le père, incapable de répondre par des arguments sérieux à ses raisonnements saugrenus. S'il m'aime ? Un éclair de joie orgueilleux jaillit des beaux yeux fleur de lin de la jeune coquette. S'il m'aime, reprit-elle, demandez-le-lui, papa, vous verrez ce qu'il vous dira. Alors c'est moi qui dois lui proposer ta main ? Conclut ironiquement le ministre. Marianne fit une révérence. « S'il vous plaît, mon cher papa, vous savez très bien que sans cela, il n'osera jamais faire les premiers pas. Nous ne dérogeons pas du reste. C'est ainsi que se négocient les mariages des princesses du sang, quand elles épousent de simples mortels. » Le père et la mère de Marianne échangèrent un regard par-dessus la tête de cet indiscipliné et ne purent réprimer un sourire. « Voyons, papa, soyez gentil. Mariez-moi à Dournoff, et je vous aimerai bien. » « Je n'ai rien demandé à maman, parce qu'elle ne me contrarie jamais. Ce n'est pas elle qui aurait menacé de me laisser mourir de chagrin. »« Je t'ai menacé, moi, de te laisser mourir ?» demanda M. Meroff, abasourdi de tant d'aplomb. « Mais certainement, puisque vous ne vouliez pas me marier à Dournoff. » Il n'y avait pas à sortir de là. Le ministre obtint grand peine que sa fille lui accorderait 8 jours pour prendre des informations. Les informations n'apprirent rien de nouveau à M. Meroff, qui savait d'ailleurs parfaitement à quoi s'en tenir, sur la valeur intellectuelle et morale de l'homme dont il avait fait la position lui-même. À l'issue des 8 jours, Dournoff, appelé dans le cabinet du ministre pour affaires personnelles, en sortit l'heureux fiancé de Mademoiselle Marianne. Ce résultat, qu'il était loin de prévoir si facile et si brillant, ne laissa pas de l'étonner un peu. Il se dit vaguement que la jeune fille avait dû dépenser beaucoup d'intelligence et de volonté pour arriver si vite à son but. Ce qui lui semblait le plus extraordinaire, c'est qu'il eût deviné son amour, et fait tant de démarches, sans s'être le moins du monde assuré de son consentement. Et si, par impossible, il n'avait pas voulu l'épouser ? Dournoff se reprocha cette mauvaise pensée. Il ne devait voir dans les efforts de la jeune fille que la candeur d'une âme ingénue qui s'ignore et va droit au but, tout naturellement. Son amour avait été deviné ? C'était encore une preuve d'amour de plus. Il rentra chez lui, ivre, ébloui. Le mariage, en même temps qu'il lui donnait la femme aimée, le plaçait au premier rang. Il pouvait en effet espérer être ministre. À la première vacance, il passait aide de son beau-père. Quel avenir ! « Je me marie, Niania, » dit-il à la vieille femme, lorsque celle-ci, fidèle à ses habitudes, le suivit dans sa chambre à coucher aussitôt qu'il rentra. L'humble servante le regarda, fit le signe de la croix et sembla murmurer une prière. Puis il se prosterna devant le maître et vint baiser son épaule suivant l'ancienne coutume. « Je te félicite, mon maître, » dit-elle. « Je souhaite que tu sois heureux avec ton épouse et que ta postérité soit bénie. » Elle se tut et son regard se porta vaguement vers la fenêtre. Un beau soleil de printemps brillait au dehors sur les toits ruisselants. « La neige doit être bientôt fondue là-bas, » dit à voix basse la Niania hésitante. « Il y a longtemps qu'il n'a eu de fleurs. »« Tu as raison, » s'écria Dournov, en saisissant son chapeau. « J'y vais tout de suite. » Il s'arrêta. Qu'allait-il dire à cette tombe confidente de toutes ses pensées autrefois? Pouvait-il confier à ce chaste granit les émotions qui faisaient pâlir sa joue et battre son cœur lorsque Marianne posait sa main sur la sienne? « Je vais la remercier, » dit-il tout haut, « la remercier de la bénédiction qu'elle m'envoie de là-haut. » Il fit remplir sa voiture de fleurs, comme le jour où quelques mois auparavant il avait rencontré Marianne. Il ne put s'empêcher de faire un rapprochement entre ces deux journées si différentes. « C'est Antonine qui l'a mise sur ma route, » se dit-il. « C'est sa volonté qui a tout arrangé. Chère Antonine, soyez bénie. » Il ne la tutoyait plus dans ses pensées. Antonine était désormais aussi froide et aussi lointaine que les statues de marbre des tombeaux. C'était une sainte qui veillait sur lui et qu'il priait à genoux. Ce n'était plus l'ami de toutes les heures, la morte adorée dont il avait baisé, le dernier sur la terre, les joues glacées et le front jauni. Pendant qu'on arrangeait les fleurs, il se souvint que Marianne devait elle aussi avoir un bouquet ce jour-là. On lui apporta deux bouquets semblables. Il les compara un instant, hésita, et finit par mettre sa carte dans le plus joli qu'il fait porter chez sa fiancée. Cette opération lui coûta quelques remords, car pendant la longue course en voiture, il se la reprocha plusieurs fois. « Bon, » se dit-il enfin, comme il approchait du cimetière, « qu'est-ce que cela peut faire à Antonine ?» Il porta son offrande jusqu'à la croix de fer, marchant à grand-peine dans la neige encore imparfaitement fondue. Il arriva au sommet du monticule et attacha le nouveau bouquet avec un ruban blanc, puis l'appuya la main sur le socle de pierre pour s'y reposer. La pierre était si froide qu'il frissonna et retira sa main. Un moment, il resta rêveur. Il voulait offrir son âme à sa protectrice céleste. Il voulait épancher sa joie et lui demander de la partager. Il sentit qu'il ne pouvait pas parler de Marianne à Antonine. Il eut un pressentiment, rapide comme un éclair et aussi vite évanoui, que Marianne n'était pas la femme qu'Antonine eût voulu voir à ses côtés pour gravir le chemin de la vie. Poussant un soupir, il baisa la pierre. L'impression de froid lui saisit les lèvres, plus vivement encore que la main, si bien qu'il y passa dessus son mouchoir afin de les réchauffer, puis il descendit la colline. Une vivacité et une joie extraordinaires précipitaient ses mouvements. Il se sentait léger, comme un homme débarrassé d'une pénible mission. Il regagna sa voiture, fit stimuler les chevaux, et tout le long du chemin, les cheveux d'or de Marianne dansèrent devant lui comme des feux follets.